Fabulous. On veut une Allemande, City sur un gros verre. Pas grave, c'est Oliver Kahn, moi je suis pas le gardien de mon frère. Les calibres s'enrayent, est-ce que tu s'enrayes? L'hexagone m'appelle, ma belle, Van Gogh l'entend pas de cette oreille. Capitale de la délinquance, gold de sac, ça paye plus. Le 9-3 c'est trop de la balle, pour ça que tes cas nous tirent dessus. Tu pètes un fusil, brocal et par physio. Tu baisses pas avec tes sons, tes beatmakers c'est encore puceau. Retourner ciseaux, j'suis encore si chaud. Le rêve des douaniers, ça reste le cauchemar de mes 6 gros. Si joins les deux bouts, ferai une balle de bonne taille. T'as cru chic, un bolos, mais faisais de la boxe taille. J'rappe pas sur verbatim, qu'est-ce tu vas faire, baltringue? Les balles vont vers ta team, la sape est vert kaki. Un corbillard c'est pas trop lourd, j'ai pas besoin de trop d'amis. J'suis même plus sûr d'être hétéro, j'ai baisé trop d'MC. C'est pour mes partenaires tombés au parquet. On te nique ta mère parce que ton père l'a mal fait. Nos flingues discutent, on peut même plus parler. La vengeance prend l'ascenseur, la paix prend l'escalier. C'est pour mes partenaires tombés au parquet. On te nique ta mère parce que ton père l'a mal fait. Nos flingues discutent, on peut même plus parler. La vengeance prend l'ascenseur, la paix prend l'escalier. Une prod de street femme, mon flow peut pas dire non. Si smoke gun avant de mourir, tu crèveras de manière canon. Mais sans bruit, c'est une plus bastos, personne ne veut se mouiller. La symphonie des chargeurs, t'as agressé ton armurier. J'ai pris un litron de poisse, la chance fait pas de chrome. Moi j'ai chécra comme un lion, ça restera dans les bouches du Rhône. Le savoir est une arme, un chien me fera la peau. Sniff un rail à la gare, tu verras même des trains fantômes. Laisse passer les flingues en même temps que mon équipe. Ferme les yeux sur la misère du monde, mais je vois quand même l'Afrique. Je voulais rapper pour le fun, un peu pour les thunes. Ma carrière s'envole, j'écris de ma plus belle plume au clair de la lune. Groupier journaliste veulent toujours qu'on s'explique. T'as du mal calibrer tes sons, je touchais pas aucun de tes pics. C'est bien d'avoir le volant, mais est-ce que tu connais chemin? C'est bien de t'exciter en freestyle, mais est-ce que t'impressionnes quelqu'un? C'est pour mes partenaires tombés au parquet. On te nique ta mère parce que ton père l'a mal fait. Nos flingues discutent, on peut même plus parler. La vengeance prend l'ascenseur, la paix prend l'escalier. C'est pour mes partenaires tombés au parquet. On te nique ta mère parce que ton père l'a mal fait. Nos flingues discutent, on peut même plus parler. La vengeance prend l'ascenseur, la paix prend l'escalier. Aulnay, Villemont, Neuilly, Noisy. Dans tous les tiers, car ça part de mille.